passe dans ma bouche. Me rappelle à ta bouche des souvenirs, ma chaleur. Et le matin m'enlève, je retourne mes poches. Pas de quoi se prendre pour un riche, il me reste mes rêves. Je suis riche de rêves et de débauches. Je suis riche de rêves et de débauches. Oh, oh. La journée a été brève, mais j'ai eu ce temps de flèche. En tentant une approche, mon cœur demande une trêve. Comme la journée s'achève, je retrouve mes fétiches. C'est fou comme on s'attache, les souvenirs m'enlèvent. Je suis riche de rêves et de débauches. Je suis riche de rêves et de débauches. Je suis